Non. Très bien, merci. Bon, et ben, c'est parti pour une semaine donc de Wallen dans Planète Rap. On a des petites nouvelles de Kenza Farah, donc nouvelles plutôt positives. Hein. On en parlait tout à l'heure avec toi à midi. Ouais. Écoute, ça va mieux, l'état s'est stabilisé, donc on peut, voilà, on peut être déjà un peu plus rassuré par rapport aux dernières nouvelles. Parce qu'on rappelle que s'est fait renverser par une voiture hier en sortant de studio à Marseille. Non, à Paris. À Paris. Ouais, en région parisienne, elle s'est fait renverser par une voiture. Et évidemment, le mec s'est sauvé. Donc, histoire assez sordide, si tu veux, et on a eu très peur. Et finalement, aux dernières nouvelles ce soir, en tout cas à 20h, on peut dire que ça va légèrement mieux. Bon, bah tant mieux. Et puis, bon, on vous tient au courant de façon sur Sky. Hein, voilà, toute la journée, il n'y a pas de galère dès qu'on a plus d'infos. Ça roule, Mehdi. Bon, à demain, 16h pour les matchs. Ciao, à demain. Ciao, tout le monde. C'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Ce soir, spécial Wallen. Passez une bonne soirée sur Sky, ça y est, elle est de retour, elle est là. Comment ça va, Wallen? Ça va très bien. Très très bien. Ah ouais, ouais. Bon, très heureuse d'être ici. On est à J-7 avant la sortie de Miséricorde. Eh ouais. Troisième album. Troisième déjà. 4 ans, grosso modo d'absence, même s'il y avait un projet, on t'avait reçu pour Benny Snassen il y a quelques mois de ça. Quelques mois, ouais. Et là, de retour donc avec toi, ton album, et c'est un album 100% Wallen. Voilà. Quand je dis 100%, c'est que c'est plus qu'une implication. C'est-à-dire que jusqu'à la pochette, t'as travaillé sur cet album. Ouais, exactement. Ouais. J'avais vraiment envie de m'impliquer sur cet album-là plus que jamais. Et puis voilà, c'est un album très très personnel que j'ai vraiment essayé d'amener, de porter jusqu'au bout, quoi, en bon, fait. Personnel, de, des gens. Début de studio jusqu'à la séance photo. Ouais. On te connaissait, on sait que tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais. Mais là, t'as tout fait. C'est-à-dire que l'ensemble des prods, je crois que tu les as signés aussi sur l'album. Ouais, j'ai eu envie de composer. Mmh. Bah, tu sais, moi, je suis un peu, j'aime bien le challenge. Puis voilà, un artiste, je trouve que c'est important qu'à chaque fois qu'il revienne, qu'il amène quelque chose de nouveau et voilà, de se fixer des limites toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que j'ai eu envie de m'impliquer dans la production de l'album. Et on passe par quoi, par quel moment? Est-ce qu'on se dit à un moment, bon, c'est quand même un peu lourd à gérer, est-ce que je vais pas tourner en rond avec mes prods, est-ce que ça va pas trop ressembler le morceau 1 va ressembler au morceau 2? Est-ce que tu te poses cette question ou non, finalement tu enquilles? Non, pas du tout, non. Je me suis pas du tout posé ces questions-là. Et puis, tout s'est passé de manière tellement fluide quand j'ai acheté mes machines. Et mais de toute façon, tu sais, quand tu... J'ai acheté mes machines. Bon, ça fait bizarre, hein. Je prends celle-ci. Non, mais comment dire, passer du travail de mélodiste, parce que finalement, tu sais, quand on est chanteuse, la plupart des chanteuses d'ailleurs composent les mélodies, leurs mélodies chantées. Alors c'est vrai qu'en France, c'est pas considéré comme un travail de compositeur, mais par exemple aux États-Unis, bah, quand les artistes vont en studio, il y a un mélodiste, c'est-à-dire il y a la personne qui fait la mélodie chantée, la personne qui fait la musique, la personne qui pose les claviers sur la musique, la personne qui écrit. La personne non qui mais chante. C'est vrai. Hein. Ouais, et c'est un vrai boulot de composition de faire ça. Et finalement, bah, il n'y a eu qu'un pas à franchir avant de composer sur les machines directement. Donc travail dur quand même ou relativement simple en fait? Non, ça va parce que c'est vrai que j'ai fait le conservatoire aussi. Donc si tu veux manier un instrument de musique, ça me fait pas peur en fait. Mais là c'était une machine, c'est vrai en fait, parce qu'il fallait trouver les sons, les mettre ensemble, les arranger, tout ça. C'est voilà. Un truc un peu ouais, plus mais lourd. C'était vraiment super intéressant et enrichissant de faire ça. Et puis tu sais, moi l'inspiration c'est quelque chose de super important. Et l'inspiration, c'est un truc qui te tombe dessus, tu sais pas vraiment d'où ça vient. Et le fait de... Non, mais c'est vrai. On réveille le matin. Oh tiens, putain, je suis inspiré aujourd'hui. Et c'est vrai que le fait de m'impliquer dans la musique, ben ça... Comment dire, il y a pas du tout de rupture dans cette logique d'inspiration. Et voilà, je pense que c'est... Ça se sent vraiment dans les chansons, quoi, dans l'album. Et on va découvrir ton album toute la semaine. Donc l'album, on est à J-7 avant la sortie. Mm-hmm. Plutôt pressé, plutôt stressé avant la sortie. Comment tu te sens? Ouais, j'ai hâte parce que tu sais, je conçois mon métier comme un vrai don de soi, donc forcément j'ai hâte de que les gens se retrouvent avec l'album dans les mains et puissent l'écouter et puissent s'en nourrir. Et ouais, je veux pas balancer, mais voilà, j'ai eu l'album, hein. Je l'ai déjà entre les mains. Il y a les photos qui sont absolument magnifiques. Bon, mis à part ça, mis à part les textes qu'on va découvrir et les morceaux, il y a aussi tout un packaging avec des photos, des photos que t'as été puisées plus dans ta mémoire. C'est ça, c'est les gens qui te sont proches, le fait de... Ouais, dans ma mémoire, tu sais, plus tu grandis et plus tu sens nécessaire de te tourner vers le passé, de puiser dans tes racines. racines, et puis il y a des choses qui remontent, et qui remontent à la surface. Et puis voilà, c'est vrai que ça se ressent vachement dans le visuel. Pas mal de gens l'ont déjà vu, puisqu'il est sur le net. Mmh. Et c'est vrai que c'est un... Pas l'album, hein, le visuel, qui... je dis ça pour ceux qui veulent récupérer l'album, non. Allez acheter l'album ou alors téléchargez-le, mais légalement dès la semaine prochaine. Mais le visuel circule déjà sur Internet. Hein. Ouais, donc le visuel raconte un peu mon histoire. Ça représente ma grand-mère, puisque j'ai des tatouages sur le visage. Mmh. C'est exactement ce que ma grand-mère avait. Et puis c'est aussi un peu ma mère, puisque Miséricorde, c'est le prénom de ma mère, qui s'appelle Rahma. Et qui veut dire miséricorde en arabe. Donc voilà, c'est un peu tout ça. C'est très, très riche en signification et en symbole, le visuel. Et bon, on va découvrir cet album donc, qui s'appelle Miséricorde. Il sort la semaine prochaine. Walen est avec nous toute la semaine dans Planète Rap. On débute avec le premier extrait de cet album. C'est un morceau qui s'appelle Business. Business, ouais. On l'écoute, tu nous en parles juste après. Walen, le retour, okay. C'est dans Planète Rap cette semaine. Je suis prête. Elle est prête. Tant mieux. Wallen is back. Regarde, c'est Leilou qui envoie ça comme message. Plein de gens contents du retour de Wallen à découvrir l'album qui s'appelle Miséricorde et le morceau Business à l'instant. Mm-hmm. Tu veux nous en parler un petit peu de ce morceau, comment il est né, Business? Ouais, bah déjà merci hein, pour tous vos commentaires, pour votre soutien. Vraiment, j'ai conscience que voilà, enfin, c'est vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Bon, bah continuez. Et par rapport à donc ce morceau Business, comment tu l'as écrit, comment il est né ce morceau? Alors en fait, Business, si tu veux, c'est un côté de moi que tout le monde connaît. Je suis un peu, on va dire, militante au niveau de au niveau de la musique. J'en dérange beaucoup d'ailleurs. Bon, il y avait un morceau qui s'appelait Celle qui dit non, hein, voilà, beaucoup de gens t'ont connu avec ce morceau, qui était une reprise de Shuriken. Enfin, le sample était repris de Shuriken. Ouais, exactement. Et même Shuriken qui posait dessus d'ailleurs. Exactement. Et puis il y a eu aussi La quête du soufre. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu envie de parler de ce que je connais, c'est-à-dire le milieu de la musique, ce que je vois, ce que les personnes ne voient pas forcément. C'est-à-dire que c'est vrai que le public voilà, nous perçoivent d'une manière, nous artistes et le milieu d'où on vient, et c'est vrai qu'il y a certaines réalités dont ils sont pas forcément au courant. Et voilà, dans Business, je parle de ça, je parle de l'individualisme de la société dans laquelle on vit, qui épargne pas le milieu de la musique aussi. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment conscience de personnellement de la responsabilité que j'ai. De la responsabilité que j'ai en tant qu'artiste. Voilà, en tant qu'artiste, en tant que qu'auteur surtout, parce que on peut faire passer beaucoup de choses par les mots, de bonnes choses et aussi de mauvaises choses, et c'est vrai que ça a un impact sur les gens qui nous écoutent, et ça on peut pas le nier. On peut pas le nier. Moi, ça m'intéresse pas de le nier. Ça m'intéresse pas de mentir à moi-même et de me dire. Tu peux aussi dire que c'est comme pour le cinéma, c'est du divertissement aussi. C'est-à-dire que quand tu fais de la musique. Non, mais par contre, t'as aussi cette part-là qui est importante, que voilà, tu vas écouter un texte ou tu vas écouter une musique parce que t'aimes bien le refrain, parce que tu cherches pas forcément à en savoir plus sur ce qui se dit sur le morceau. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que on n'est pas des Américains. Tu vois, faut arrêter de. C'est vrai qu'on est dans un milieu qui est celui du hip-hop. Mais à un moment donné, il faut arrêter le il faut pas copier les Américains à tous les niveaux. C'est vrai que ça dérange pas quand c'est un 50 Cent qui fait un texte peut-être violent et voilà, encore à dégommer, parce que finalement les gens n'ont pas une compréhension directe des textes. Tu vois ce que je veux dire, les gens sont sensibles au flow et à la musique et à l'énergie que ça dégage. Mais par contre quand on est un artiste français, il faut aussi avoir sa personnalité et se rendre compte qu'on n'est pas des Américains et qu'il faut pas essayer de leur ressembler à tout prix. T'as toujours voulu, de toute façon, dans le R&B, c'est vrai que le R&B on toujours c'est une musique légère de par les paroles, de par le son et tout. Toi t'as toujours voulu élever, que ce soit sur le premier album, le deuxième et sur celui-ci, les textes, t'as toujours travaillé de cette façon-là. Oui, bien sûr, parce que les mots et les textes c'est aussi une manière de mettre en valeur ma culture française aussi, parce que c'est vrai que les mots ont beaucoup d'importance dans notre langue. Et voilà, je pense qu'il faut pas mettre ça de côté. Quand on écrit une chanson, c'est pas parce que c'est une chanson de R&B que ça doit forcément ressembler à ce que fait Beyoncé ou Rihanna, ou non, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment différents et il faut avoir le courage le courage d'être soi à ce niveau-là et d'essayer de pas non plus trop copier ce qui nous vient d'autres Atlantiques. Voilà. Non, mais dans la forme, c'est vrai que c'est important, parce que bon, il faut dire ce qui est. Les Américains sont quand même les meilleurs à ce niveau-là. Bah, au niveau du son, au niveau de tout ça. Voilà, exactement. Mais après, il faut que ça s'arrête là, quoi. Tu veux qu'on passe quoi comme morceau dans un instant, Wallen, de l'album, pour faire découvrir? Écoute, j'aimerais bien réfléchir. Passer... Tu veux qu'on passe? Non, ça va. Dans le vent. Dans le vent? Ouais. Mais Dans le vent à découvrir, c'est sur l'album de Wallen, bougez pas. Dans 7 jours, sorti de l'album Miséricorde, c'est ton troisième album, on le découvre cette semaine. On vous attend aussi au freestyle de Planète Rap, allez-y, 0826 826 759. Tous vos messages à Wallen, continuez, 41 Sky, 41 759, et on revient juste après ça. On ne devient pas flic pour servir et protéger. De Niro, Al Pacino et 50 Cent sont de retour. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Sky avec le nouveau son de Booba à l'instant illégal sur Sky. L'album arrive le 24 novembre et cette semaine on est avec Wallen. Elle, son album, c'est dans 7 jours maintenant, lundi, dans les bacs. Ouais. Miséricorde à découvrir cette semaine entre 20 et 21. Il y a eu 4 ans entre le précédent et celui-ci. C'est fou ce qu'on se disait tout à l'heure. J'ai pas eu l'impression qu'il s'est. Toi non plus, t'as pas eu cette impression? C'est passé 4 ans, ouais, non, pas du tout. Le premier, il y avait eu quoi, 3 ans entre le premier et le deuxième? Ouais. à peu près, un peu plus, je pense, 3 ans. Mmh. Puis là, 4 ans. Bah, j'ai changé de maison de disque aussi, tu sais. Enfin, c'était pas un choix de ma part, mais c'est vrai qu'il y a eu le changement de label qui a fait que... Ça a retardé un peu. Voilà, ça a retardé un petit peu. Mais concrètement, tu t'es mis quand sur cet album? À partir de quand tu dis, ça y est, je rentre, c'est reparti? Mais en fait, justement, si tu veux, je me suis mis sur cet album avec mon ancienne maison de disque, donc Atmosphérique. Puis à un moment, bah, il a fallu arrêter, puisque je savais que j'allais switcher sur un autre label. Donc, il y a eu plusieurs mois de battement. Donc, tu vois, si tu veux, c'est un peu compliqué pour moi de dire combien de temps j'ai passé dessus, puisque ça a été fait en plusieurs sessions, on va dire, de studio. Donc finalement, tu travaillais les sons d'abord dans un premier temps chez toi, puisque tu t'es mis à la composition. Exactement. Ensuite, tu écrivais les textes, ou tu avais déjà des textes que tu écrivais plus ou moins depuis, sur cette longue période? Oui, j'écrivais presque en même temps de composer, finalement. Tu vois, je commence par faire un morceau, et puis après, voilà, je me mets à écrire mes paroles. Donc, c'est fait comme ça. On écoutera un morceau qui s'appelle Dans le vent dans un instant. Tu vas nous en parler dans quelques minutes. Là, je vais te présenter quelqu'un de Roubaix. C'est Noriega. Allô, Roubaix. Allô, Noriega. Allô. Ça va ou quoi, Noriega? Ça va, tranquille. Et toi, Fred? Bah ouais, je te présente Wallen. Ça va, Wallen. Ça va très bien. Et toi? Ouais, voilà. Et faut continuer. Ça fait un beau son à ton album. Merci. Ouais, tu chantes trop bien, la vérité. Merci, mon frère. Merci. Ah, faut continuer. Noriega, on va voir si tu as bien suivi l'émission. Il sort quand l'album de Wallen? Il sort dans 5 jours. Ah, allez, presque. Dans 7 jours, lundi prochain. Lundi prochain dans les bacs, l'album de Wallen. D'accord, ok. Toi, tu vas peut-être repartir avec, tu viens pour rapper dans l'émission. Ouais. Prêt à faire un petit freestyle? Ouais, après. Allez, on balance le son, on est à Roubaix avec Noriega, c'est parti. Ok. Ah. C'est un bourreau. Si tu me fais des voir, t'inquiète, c'est voir ce que je vais laisser croire. À Dieu, je m'adresse certains soirs parce que y a tant de choses que je peux pas prévoir. Ah, j'ai une vingtaine d'années, la drogue l'emporte, intoxiqué, déconnecté, la drogue l'a tué comme moi. Doucement, son parcours a commencé pour toi. Ça fait tant que je vais raconter. Tu commences, consommateur d'un soir. Consomme, je veux ça en perdre, voir. Ça me réveille, c'est de toute façon, c'est de mourir. Le shit que tu fais malheureusement, comme une chance, on bouge en dehors dangereusement, dans une cage prise en otage, dans décalage, t'as pas pris ton héritage, ok, trop de trucs sont partis, à cause de ce fléau, et si seulement t'y avais pas bougé, frérot, à chacun de faire un effort, devenir plus fort, fort, celui qui maintient la tête en dehors, ça se passe tous les soirs à 20h, entre des pages de pub, trop d'horreur, qu'on ne calcule pas, y'a des enfants de pompés à calme. Putain, en passant par l'Arménie, trop de petits mains, fabrique ta son Nike et Armani. Je balance mon arc, une harmonie d'un milliard de prix pour une seule larme. Chaque coin de rue est devenu une armurerie. De rire ni de s'amuser. Quand déjà à 10 ans, l'enfant a son âme. C'est une cruauté d'un mode qui alimente ses sangs. Je nage en nage sur les points bains qui tous les jours sont vains. Ne mérite-t-il pas eux aussi leur place au musée Grévin dans le tiers monde? Peut-être voir le rêve, hélas. Y'a qu'à voir les plus confus, ces favelas. Les premiers touchés sur les enfants, c'est dégueulasse. Prostitution infantile, gauche, marchant dans l'infanterie. Défoncé à la feuille de coca, envoyé au cas. Caspi, je ne suis caspi, c'est normal, jeune est encore esclave, non, et cela se perpétue, un choix qu'on ne leur laisse pas, à croire que jamais la lutte ne cessera. Eh hey, Noriega, bon. Noriega de Roubaix, allô? Ouais. Ouais. Désolé, la communication est vraiment assez mauvaise, donc on a entendu un mot sur deux, désolé Noriega. Ah ouais? Mais t'inquiète, on t'a senti, on sait que t'as envie de rapper, tu reviendras rapper dans l'émission. Ok. Promis? Ouais, promis. On t'envoie l'album de Wallen. J'ai aussi des places, alors c'est peut-être un peu loin de chez toi, c'est à Amnéville. Mais il y a des places pour ceux qui sont du côté d'Amnéville pour aller voir Alicia Keys en concert le 25 octobre. Vous envoyez un message 41759 si vous êtes du côté d'Amnéville ou si vous comptez vous y rendre pour le 25 octobre. Des places à choper 41759. Merci à toi, Noriega. Ouais, c'est pas grave. Et je pourrais passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bah, je dédicace pour ma mère qui est en train d'écouter. Et bah, dédicace à maman. Je dédicace pour mon petit frère aussi, je dédicace pour mon père, je dédicace pour ma notre cousine, je dédicace pour mon groupe. Neto, Lilson, Korozik. Je dédicace pour Skate, je dédicace pour Wallen, je dédicace pour la standardiste, je dédicace pour Fred, et pas pour toi. Voilà. Merci, Noriega. À bientôt Noriega et dédicace merci. À Touroubet. Ciao okay, à tous. Wallen Miséricorde sur Sky à découvrir entre 20h et 21h. Est-ce que tu penses à la scène déjà ou pas Wallen? Il n'y avait, ouais, avait pas eu de tournée sur le précédent. Très peu. Il y en a eu, il y a une petite tournée et là j'y pense, ouais. J'y pense, mais tu sais, la scène c'est vraiment aussi un monde à part, tu vois. Donc il faut vraiment repenser l'album d'une manière et j'ai vraiment envie de m'investir aussi de la même manière que je me suis investi sur l'album. Donc là on est en train de travailler. D'accord, donc ça bosse pour 2009. Ouais, pour 2009. L'album ouais. C'est dans 7 jours. On va écouter un morceau maintenant qui s'appelle Dans le vent. Tu veux dire un petit mot sur ce morceau, pareil, comment il est né? Dans le vent, c'est un morceau qui parle du fait que rien ne dure dans la vie. Alors ça paraît être une idée assez pessimiste, mais finalement, c'est quand même une idée qui fait que qu'on est mis face à l'essentiel dans sa vie. Et le fait que rien ne dure, que le temps passe, qu'on perd des gens qu'on aime, ça nous met face à l'essentiel et ça fait que finalement on apprécie pleinement les moments de bonheur quand ils arrivent et puis on relativise aussi les épreuves et puis aussi le fait que tu sais l'écriture c'est très important pour moi et le processus d'écriture, ça te fait voyager à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu ça... justement les précédents albums, est-ce que tu réécoutes? Est-ce que à chaque fois, quand tu repars sur un album, c'est peut-être le cas pour Miséricorde, tu te replonges dans ce que t'as fait Non, t'es pas vraiment... trop nostalgique là-dessus. Non, j'aime pas trop m'écouter en fait. C'est bizarre à dire là sur Skyrock, mais je suis pas le genre d'artiste qui s'écoute à blinde, ah tu bon vois. Non. Pas. Non, parce que ce que je fais, ça fait partie de moi, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de m'écouter en boucle. ce que je donne, je le donne quand je suis en studio, quand je dois écrire. Et puis après, c'est fait, tu vois, c'est là. Et puis, c'est en moi, ça fait partie de moi. Donc, j'ai pas besoin de... Mais donc voilà, pour le morceau Dans le vent, c'est un morceau très... Là, tu vas pouvoir personnel. Supporter de t'écouter pendant 4 minutes. Si on le balance, ça va aller. Bon, je vais boucher mes oreilles et vous me prévenez quand... Non, mais ça me fait plaisir de m'écouter. Mais je suis pas non plus le genre d'artiste à s'écouter en boucle. Non, c'est un peu bizarre. C'est bien, en plus, t'as les réactions en temps réel, puisque les gens envoient des messages sur les morceaux. Là, on va découvrir Dans le vent. Dites-nous ce que vous en pensez. 41759, skyrock.fm. C'est Wallen, notre invité toute la semaine. Tant de boucan dans ma poitrine est bien nécessaire. miséricorde. T'as vu les réactions, j'en lis deux, trois. Ça arrête pas d'effiler. Félicitations pour ce beau moment. Vivement le vin, lourd, très lourd, franchement mortel, Wallen dans le vent. Merci. Il tue ce titre. J'aime beaucoup trop le morceau, merde, de passer trop vite le message. Vraiment trop beau ce titre. Voilà, elle déchire cette chanson. Machallah, c'est Wassi qui nous envoie ça du Nord. Merci beaucoup, vraiment. Comment t'expliques que les gens ils te suivent comme ça, Wallen? Il y a toujours eu un truc incroyable quand même autour de toi. Franchement, avec sincèrement, une impatience, je pense que... les gens sont impatients, là ils t'écoutent. Et je pense que les gens qui me soutiennent, c'est des gens qui me soutiennent pas moi, Wallen, mais qui soutiennent mes idées, mes principes, ma manière de concevoir la vie. En réalité, c'est des gens qui partagent ma manière de voir le monde aussi. Mmh. En fait, c'est ça. C'est des gens qui me soutiennent. Non, mais c'est vrai, parce que tu parlais de l'industrie musicale, parfois ça va très vite, et c'est vrai que ces derniers temps, dans le R&B, il y a eu beaucoup, beaucoup de nanas qui sont arrivées, beaucoup qui ont sorti un album, et on peut se dire, le public est assez volatile, il va écouter telle personne, il nous oublie assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que des albums parfois sortent pour certains artistes très régulièrement, il y a 6, 7, 8, 9 mois, grosso modo un an parfois, quand les artistes reviennent ou sortent un album aussitôt. Toi, tu prends ton temps. Ce côté de l'industrie musicale où il faut il faut sortir de l'album, sortir des rééditions, faut sortir constamment, être constamment présente sur le terrain, quoi, je dirais. Non, je calcule pas trop, en fait, non. Faut prendre le temps, parce que faut prendre le temps. Après, faut avoir confiance, tu vois. C'est aussi, tu vois, cet album là il s'appelle Miséricorde. Miséricorde, c'est quand même un mot qui fait qui parle de foi aussi, enfin qui évoque très lié la foi. À la religion, oui. Ouais, voilà, la foi, on va dire, la spiritualité. La spiritualité, ouais. Donc la base de la foi, c'est quand même avoir, à un moment donné, avoir confiance, tu vois. Se dire que les choses ne dépendent pas forcément de telle ou telle chose extérieure, tu vois. Faut avoir confiance. Voilà. En tout cas, les gens sont là, ils sont présents, ils te disent, ils t'envoient des messages. On continuera à découvrir cet album dans un instant. Wallen, il y aura du live cette semaine aussi. Je sais, le lundi, t'en fais pas. Ouais, non, le lundi, j'en fais pas. C'est la machine qui se remet en route, tranquille. Voilà. En plus, ça, c'est la promo qui reprend. C'est pas un exercice dur pour toi d'ailleurs, ou quoi, Wallen, d'aller défendre l'album, de parler de toi, qui a du mal justement même à t'écouter, donc de parler de toi, c'est pas un moment un peu dur, la promo? Non, franchement, non. Non, parce que c'est le moment où on doit défendre ce qu'on fait, défendre un album, et non, c'est toujours un plaisir pour moi d'expliquer un peu ma manière de concevoir mon métier, ma manière d'appréhender mon travail, tout ça. Donc non, c'est important aussi. Tu restes avec nous, de toute façon toute la semaine t'es là. Ouais, le soir 20-21 c'est bloqué toute la semaine. Voilà, ouais. Miséricorde, c'est dans une semaine la sortie de l'album de Wallen. On fait tourner la Skyroulette et on retrouve Wallen juste après. Skyroulette spéciale. Viens choper ton iPod Touch plus ton Samsung 10 mégapixels. Allô, Grégory de Besançon. Ouais, salut Fred, salut Wallen. Ça va, Grégory? Bah écoute, tranquille, hein. Ça va en forme? La journée est bien passée, nickel. Le week-end aussi? Impeccable. Est-ce que tu attends l'album, la sortie de l'album de Wallen, Grégory? Dans 5 jours, je vais aller l'acheter. Mais pourquoi 5 jours? Arrêtez vos conneries. C'est dingue, hein. C'est dans 7 jours. 7 jours, ouais. C'est lundi prochain, Greg. Voilà, lundi prochain. Bon, on sera là, en tout cas. En même temps, tu peux aller camper devant la Fnac ou le Virgin ou le Carrefour ou le Auchan près de chez toi, hein. Oui, c'est vrai. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Si tu veux y aller dans 5 jours, vas-y, Greg. Il n'y a pas de souci. Bon, prêt à faire tourner la Skyroulette? Eh ben, je suis prêt, on y va quand tu veux. Eh ben, ça tourne. Allez, lancer la Skyroulette. Et elle va s'arrêter. C'est le iPod Touch pour toi. Excellent. Qui arrive à Bezac quand on voit ça, Greg. Ah, il est énorme en plus, hein. Franchement, c'est un sacré iPod, hein. Ah, il défonce le iPod Touch. Ah, ben franchement, c'est cool, je peux faire une petite dédicace, Fred. Vas-y, Grégory. Alors, je fais une petite dédicace à Marlika, à Manu, à Anthony, à Maurice, et puis voilà, à tous ceux qui m'ont reconnu, hein. Bah, à plus, passe une bonne soirée. Ah, ben merci Sky, hein. Puis Wallen, continue comme ça, c'est cool. Merci, Grégory. Ciao, Grégory. À bientôt, Sky. Ciao, merci, Fred. On revient vite dans un instant avec Wallen, l'album C'est Miséricorde, et le retour juste après ça. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap. 20h-21h les soirs sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap spécial Wallen. Le retour de Wallen dans Planet Rap cette semaine entre 20h et 21h avec l'album qui sort pile poil dans une semaine. Cet album, c'est Miséricorde. Pas que j'écorche le nom, parce que tu vas me mettre un coup direct, quoi. C'est le prénom de ta maman en plus, mais pas que ça, c'est un mot important dans la foi, ce que tu disais juste avant la pub. Miséricorde, pourquoi l'avoir appelé Miséricorde justement cet album? Franchement, pour plein de raisons. Plein de raisons. C'est un mot qui me... Ouais, qui fait allusion à ma foi. Et c'est vrai que c'est un mot particulier. C'est un mot particulier parce que c'est un mot qui te met face à toi-même et face aux autres aussi. Tu vois, c'est un mot qui évoque le pardon. Et je trouve que dans le pardon, il y a vraiment une notion qui me parle vraiment. Qui me parle parce que c'est... Tu vois, dans le pardon, il y a aussi l'humilité, il y a quelque chose de fort aussi, de grand. Il s'est imposé directement ce nom d'album. Ouais, écoute, je serais incapable de te dire quand, mais je sais que quand j'ai voulu l'appeler comme ça, voilà, c'est pas sorti de ma tête. Et tu dis putain, ça y est, je l'ai. Voilà. Enfin, non, ouais. Tu dis pas putain, tu es avec quelqu'un de très poli, c'est moi qui suis très grossier. Toi, tu dis purée. Voilà. C'est un grand punaise. Ou punaise. Ça alterne. Quand il y a un peu trop de purée, tu passes sur punaise. Un matin, tu t'es dit waouh, punaise, je l'ai. Ouais. C'est voilà. Ça, non Voilà, exactement. Il arrive un peu comme ça. Exactement. Puis après, il y a une autre raison qui sera un petit peu longue à expliquer là, mais. J'ai écrit un texte qui circule sur Internet, qui s'appelle Madar 1988, été 88. Et j'explique vraiment plus en détail aussi. Mais tu veux pas dire un petit mot au moins ? Écoute, c'est lié à ma professeure de violon, qui a été quelqu'un de très important dans ma vie. Et c'est la première personne finalement qui m'a introduite à la musique, même si c'était la musique classique, puisque j'étais au conservatoire. Ouais, t'étais au conservatoire, toi. Voilà, et elle me montrait souvent une photo en cours, une photo d'un violoniste qui s'appelle Heifetz. Et elle me montrait souvent sa photo, donc qui était dans mon cours. Mais non, regarde. Voilà. Non, mais c'est vrai, il avait une manière de se tenir très. Il dégageait une certaine noblesse, tu vois, et elle me le montrait souvent en me disant que la musique, ça doit être à l'image d'une prière à Dieu. C'est-à-dire mystérieux. Et noble, tu vois, et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pour ça que j'ai cette approche spirituelle de la musique, même si aujourd'hui je fais pas de musique classique, je suis pas devenue une grande soliste de violon, mais c'est vrai que c'est une philosophie qui me suit jusqu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends les choses au sérieux aussi. J'ai pas fait du R&B à défaut de pouvoir faire autre chose. C'est un vrai choix. Et donc voilà, je le fais avec sérieux, avec passion et avec amour. Parce que pour toi, le R&B, c'est aussi les grandes voix des chanteuses américaines, le côté soul, avec toute la détresse que pouvaient avoir certaines chanteuses, tout exactement. Le vécu qu'elles avaient quand elles interprétaient des morceaux. Exactement, oui, exactement. Il faut y mettre son âme, tu vois, dans la musique. Le cœur, ça suffit pas. Parce que dans le cœur, il y a plein de choses qui se mélangent, tu vois. Mais l'âme, c'est... Voilà, il faut y mettre son âme. Putain, je sais pas comment tu fais, Wallen. Moi, j'aimerais avoir cette ligne de conduite et tout. Pourtant, je me le dis à chaque fois. Non, attends, c'est pas... Et j'y arrive pas. C'est pas une ligne de conduite. Et j'y arrive pas. Je craque tout le temps. Non, c'est une philosophie de vie. Mais si, tu l'as, toi. Ah ouais, tu trouves? Bah oui, mais oui. Merci, Wallen. Regarde, t'as déjà le crâne rasé du Dalai Lama, donc déjà, c'est un début. Ouais, c'est juste hein. C'est juste le début, hein. Bon, on est parti, on écoute un morceau ou quoi? Qui ouais, va nous mettre ouais, sur le droit ouais. Chemin. Mets-nous un morceau ouais, pour ceux qui en ont besoin. Je ne sais pas lequel passer. Moi, je veux bien t'aider. Hein. Vas-y. Moi, j'adore Entre les blocs de ciment. Ah, c'est vrai que tu l'aimes bien. Ah, j'adore ce morceau. Ok, blocs de ciment. Ouais. On écoute ce morceau qui s'appelle Entre les blocs de ciment. C'est extrait de son album, de ton album Miséricorde, qui sort lundi prochain. Wallen est de retour toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le 3. T'as fait signe 2, je crois. Non, j'ai fait signe 3. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. Petit moment de fatigue. Ça va aller, Wallen? Ça va aller. Allez, on écoute ce morceau extrait de l'album Miséricorde maintenant, Wallen sur Sky. Entre les blocs de ciment. Change sa vie pour une place au bidon. Ville de Saint-Denis. semaine entre 20h et 21h avec ce morceau entre les blocs de ciment à l'instant. Un petit morceau pareil, hein, nostalgie toujours un petit peu. Ouais, le souvenir. Le souvenir. Ça a beaucoup de place, ouais. Ouais, c'est vrai l'écriture. Que ça a beaucoup de place. Hein. Bah ouais, écoute, l'écriture, comme je te disais tout à l'heure, c'est un processus qui nécessite de retourner loin, tu vois, à l'intérieur de soi. Et puis ça te fait faire un voyage forcément dans le temps. Puis il y a plein de choses qui remontent, des images, des tableaux, tu vois, des choses qui voilà, qui donc tu te souviens pas forcément sur le moment et puis qui reviennent, quoi. Par rapport au précédent justement album que je trouvais plus optimiste, celui-ci je le trouve pas sombre non plus, mais voilà, plus il y a un côté un peu plus mélancolique que le précédent. C'est un truc que tu ressens toi ou pas quand t'as fini cet album? Non, je pense que la mélancolie c'est un truc qui fait partie de moi, partie de ma manière de voir le monde, et c'est ma sensibilité, tu vois, je suis comme ça. Mais non, je trouve cet album vachement positif. Ouais, je le trouve vachement positif. Bah ouais. Et ben on pourra le découvrir cette semaine entre 20h et 21h. C'est toi peut-être qui déprime en ce moment. Peut-être que je suis en dépression. J'ai écouté l'album tout le week-end. Non mais c'est vrai que c'est un album. Non mais il y a des morceaux sur précédent comme Avoir la vie devant soi. Là, je retrouve moins de morceaux dans ce genre-là. C'est vrai que c'est un truc, oui, plus personnel, où il y a plus souvent, voilà, on l'écoutait à l'instant avec celui-ci, où c'est pas un morceau forcément sombre, hein, celui-ci entre les blocs de ciment, mais il y a pas mal, voilà, ce côté nostalgique. Ouais, c'est où sûr. Tu te souviens d'images, où tu passes dans ton ancien quartier, qui était, toi, t'es de Bobigny, à l'origine. Ouais, je suis de Bobigny. En région parisienne, où t'emmènes ton fiston, c'est ce que tu racontes un peu dans un des couplets du morceau. Bah ouais, puis c'est tout simplement vrai, tu vois, un jour j'étais dans le tramway, et puis j'ai montré à mon fils où je suis née, à Saint-Denis. Allez, maman, elle va te montrer. Voilà. Aujourd'hui, maman, elle t'emmène. Tu vas voir un petit peu où elle est. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un hôpital qui est sur la ligne de tramway en allant vers Saint-Denis, tu vois, Saint-Denis-Bobigny. Et puis voilà. Tu retournes encore un petit peu ou pas Oui. Mis à part avec ton fils. Oui, forcément. Ouais. T'as encore des racines là-bas, tu vois encore des gens là-bas. Bien sûr. Ouais. Ma famille. Toute la famille est encore là-bas. Ouais. Tu leur fais écouter l'album en entier à la famille ou pas? Non. Je sais que maman, c'est très important. Non, ils l'ont pas du tout écouté. Personne n'a écouté encore. Ah bah non, attends. Secret défense. Ah bah oui, attends. Toi, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que cet album, comme tu l'as fait tout seul, t'as fait les prods toute seule, t'as écrit, t'as chanté, t'as composé. Qui vraiment a été derrière toi sur cet album? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus régulièrement au studio écouter, qui t'ont dit voilà, j'aime bien, j'aime moins bien? Ou vraiment, t'as fait l'album comme tu le voulais et après t'as commencé à faire écouter? Non, mais moi je suis un peu solitaire déjà de fait. Donc tu vois, je suis un peu. Non, j'étais assez. J'aime bien être seule de toute façon en studio. Mmh. Moi, je suis un peu timide, tout ça, donc forcément, tu vois, chanter devant plein de monde ou être dans une ambiance, tu vois, un peu. Moi, c'est très studieux en studio, justement. Mmh. C'est très. Je suis souvent seule. Limite, tu fais les prises de voix toute seule. Non, mais par contre, je suis très proche. Tu vas dans la cabine. Non, il y a mon ingé aussi qui est très important, qui s'appelle Cyril, que je salue d'ailleurs, qui est un ami aussi. Donc on travaille tous les deux, mais c'est vrai qu'il y a Malik. La vie de Malik est très importante pour moi. Et c'est mon premier public. Est-ce que quand t'es en studio, est-ce que lui suit au quotidien ou tu préfères lui faire écouter quand t'as bossé plusieurs jours de suite sur un morceau, ou est-ce qu'il est là? Non, ça dépend en fait. Il y a des morceaux, j'ai besoin de son avis tout de suite quand je suis en train de composer, quand je suis en train de faire le beat. Donc je lui demande tout de suite. Et puis il y en a d'autres où j'ai besoin d'attendre d'avoir posé les voix et. Voilà, ça dépend. Il est présent sur l'album, on l'écoutera certainement dans la semaine, un morceau qui s'appelle Ciao Pantin, et on en parlera aussi dans la semaine. Voilà, la première soirée de Planète Rap avec Wallen s'achève déjà maintenant. Ah ouais, déjà? Bah ouais, il est 21h, regarde. Ah ouais, t'as vu ça, Tu vas revenir demain à 20h. Tu seras là à 20h, Wallen, toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Tu chanteras aussi dans la semaine? Bien sûr, ouais. Bon, bah, pas louper, Wallen, merci beaucoup, t'as un petit message à passer, petite dédicace. Bonjour à ma famille, pour ceux qui m'écoutent, et puis voilà, bonjour à Malik. À tout le monde, et puis merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment je suis très très touchée, à tous ceux qui sont assez présents sur le MySpace puisque je m'en occupe régulièrement. Donc voilà, et d'ailleurs pour les gens qui ont envie d'envoyer un mail ou voilà, allez-y. Envie de me dire un truc, ben MySpace c'est moi qui m'en occupe, donc c'est moi qui aurai le message sûr, je le lirai sûr. Voilà. Et ben merci en tout cas Wallen d'avoir été avec nous. Merci. Demain on t'attend, l'album c'est dans une semaine, il s'appelle Miséricorde, et à 21h on va retrouver Difool maintenant sur Sky. Eh oui, ah, j'ai peur. On est là. Ben bonjour à vous tous. Salut Difool. Salut à toi Wallen. Oh. Bien. Ça va. Content de revenir. C'est quoi ce petit ça va? Tu t'es fait chier ou quoi pendant Et ton mère, c'est ouais, ça va. Ça va aller pour demain aussi. Ouais, non, ça va. Bon, demain, on sera là à partir de 20h pour la suite de Planète Rap, à pas louper. Hein. Exact. Et puis, bah, big up à vous deux. Ouais. Big up à toi, Fredo. Et bah, big up à vous. Et une petite bise à Wallen, allez. Merci. Et puis, on a une pensée aussi pour Kenza. Je sais que tu vas certainement en parler ce soir dans l'émission. On a eu des nouvelles qui sont plutôt rassurantes. Oui, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Kenza Fara qui s'est a priori fait faucher par une voiture hier soir à la sortie du studio à Suresnes, donc 9-2. Et donc, il y a plusieurs trucs qui tournent sur le net, mais les dernières nouvelles qu'on a eues ici, là, c'était pour il y a trois quarts d'heure. Ouais, elles sont plutôt rassurantes. Ça va, ouais, ça va plutôt pas bien, plutôt pas mal, et elles semblent dans un état qui soit pas aussi grave que celui qu'on décrit sur certains sites internet. Là, il y a plein de messages depuis tout à l'heure, j'envoyais en plus. Ah bah heureusement, ouais. Donc voilà, on lui fait un big up, en tout cas, on pense à elle, et puis à tous ceux qui sont, qui sont proches d'elle. Sa famille, ouais, tout ça, Abdel de Charismatique, toute l'équipe de Charismatique, voilà, une grosse pense à eux. Exactement, puis on écoutera Kenza d'ici un petit quart d'heure, pour se donner du courage, et puis voilà, pour avoir une pensée pour elle. Merci en tout cas, Fredo, Wallen, à demain. À demain. Allez, on sera là à partir de 20h, 21h sur Sky, c'est parti là. Ciao. Ouais. Radio Libre, ciao. Radio Libre en direct jusqu'à minuit sur Sky. Total respect, zéro limite. Radio Libre. Soir, 21h, sur Skyrock. Et salut à tous et bienvenue sur Sky. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. 21h minuit, Radio Libre en direct avec toute l'équipe qui est là, avec vous tous.